16 heures. Elle oriente ses journées auprès de ses nombreuses humeurs, multirécidiviste acharnée. Elle oscille entre songe et bonheur calculé. Elle reconnaît trop le parfum des leurs, tendu par les hommes à leur bonheur. Pour les avoir trop sentis, ses fragrances sont aigreurs. Pour les avoir pressentis, ses errances sont terreurs. Quand sa petite bouche de poupée parle de porcelaine fêlée, que le soir seule elle se rafistole à grands coups de fil, de sourire, de guignol. Je sens comme une tension monter, j'ai comme une envie de lui crier: passe donc ton cœur au vitriol, tu seras enfin désensibilisé. Passe donc ton cœur au vitriol, tu seras enfin désensibilisé. Passe donc ton cœur au vitriol, passe donc ton cœur au vitriol.